Petit rire quand je ferme les yeux. Tu reviens, tes délires ont l'air de gens heureux. Tes mains caressent encore nos souvenirs frileux. Et nos voix se colorent de soupirs et d'aveux. J'avais glissé ma vie sur ta peau qui fredonne. Un soupir assouvi, une main qui s'étonne. Je volais pour toujours et tes yeux dans mon cœur faisaient lever le jour et frissonner les heures. Il ne reste plus rien de nos jeux, de nos vies. Qu'un sanglot, un chagrin, un hiver, une pluie. Ça ressemble à quoi les yeux du paradis? Peut-on aimer encore quand on n'est plus d'ici? Peut-on aimer encore quand on n'est plus d'ici? Dis, tu es parti où? Dans quelle étrange plaine? As-tu glissé ton cou? Le beau a-t-il à peine arrivé sur tes joues? Laver le souvenir de tous mes baisers fous, les a-t-il fait mourir? Moi je suis là, j'attends une porte qui s'ouvre. Un sourire, un printemps, une bouche qui couvre. Une à une mes peurs, une main qui me prend. Une absence qui meurt, un souffle qui se rend. Il ne reste plus rien de nos jeux, de nos vies. Qu'un sanglot, un chagrin, un hiver, une pluie. Dis, ça ressemble à quoi les yeux du paradis? Peut-on aimer encore quand on n'est plus d'ici? Peut-on aimer encore quand on n'est plus d'ici? Il ne reste plus rien de nos jeux, de nos vies. Qu'un sanglot, un chagrin, un hiver, une pluie. Dis, ça ressemble à quoi les yeux du paradis? Peut-on aimer encore quand on n'est plus d'ici? Peut-on aimer encore quand on n'est plus d'ici? Moi je ne savais pas qu'un et un font adieu, que tes pas dans mes pas un jour se feraient vieux. Je t'aimais pour la vie, je t'aimais pour nous deux, pour l'amour asservi, pour les enfants heureux que nous n'aurons jamais, pour les souvenirs morts de nos corps désormais allongés sans accord, pour ce silence à vie, pour ces mots jamais dits, ces rêves qui dévient. Je t'aime et te maudis. Il ne reste plus rien de nos jeux, de nos vies. Qu'un sanglot, un chagrin, un hiver, une pluie. Dis, ça ressemble à quoi les yeux du paradis? Peut-on aimer encore quand on n'est plus d'ici? Peut-on aimer encore quand on n'est plus d'ici? Il ne reste plus rien de nos jeux, de nos vies. Qu'un sanglot, un chagrin, un hiver.